Deuxième temps d'une semaine courte de trois émissions de la Fabrique de l'Histoire sur le cinéma italien et sur le cinéma italo-américain. Aujourd'hui, Martin Scorsese. Hier, le documentaire réjouissant et époustouflant de Séverine Yatar et de Séverine Cassard nous racontait l'histoire du festival du film italien de Villerue en Lorraine. Demain, nous nous souviendrons qu'il y a 40 ans disparaissait Pier Paolo Pasolini et nous débattrons de son rapport à l'histoire dans ses films et dans sa vie. Et aujourd'hui, eh bien, à la fabrique de ce mercredi, nous allons parler de cinéma en nous promenant dans l'exposition Martin Scorsese de la Cinémathèque française en compagnie de Séverine Yatar, de l'historienne Caroline Ducchi, spécialiste des exilés italien et du co-organisateur de l'exposition Mathieu Orléans. Avec eux, nous évoquons les liens du cinéma de Scorsese avec le cinéma italien, les communautés italiennes exilées aux États-Unis, mais aussi la relation du cinéaste au christianisme et aux grands maîtres d'Hollywood, dont Alfred Hitchcock. I'm standing here. You make the move. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Nous voici donc dans l'exposition qui vient tout juste d'ouvrir à la Cinémathèque de Paris, une exposition consacrée à Martin Scorsese. Et donc cette exposition nous raconte l'itinéraire, mais également thématise l'itinéraire de cinéaste de Martin Scorsese. Nous sommes en compagnie de Séverine Yatar, qui a préparé toute cette semaine avec nous autour de la question du cinéma italien. Bonjour. En particulier. Et nous sommes également avec Mathieu Orléans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de cette exposition. Et avec l'historienne Caroline Ducchi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 8, spécialiste des migrations et en particulier des migrations italiennes au 19e et au 20e siècle. Alors, c'est une bonne chose que de commencer par cette salle, qui est la deuxième, en fait, après une grande introduction sur les images de Martin Scorsese, Mathieu Orléans. Cette salle, c'est l'enfance de Martin Scorsese, c'est son enfance à New York et c'est sa famille italienne. Oui, exactement. On a voulu mettre très proche de l'entrée de l'exposition, pas tout à fait à l'entrée de l'exposition, c'est intéressant de le dire. On a préféré rentrer par le cinéma, par les images de cinéma, par ce qui fait le métier de Martin Scorsese, la mise en scène. Et après, être rentré par ce sas très immersif, où effectivement nous sommes plongés à l'intérieur des images. Pour ceux qui les connaissent, c'est une manière de se le remémorer. Pour les autres, peut-être de concevoir, d'imaginer ce qu'est le cinéma de Martin Scorsese avant de le redécouvrir en salle. Effectivement, très vite, on rentre dans une section dédiée au sens large à la famille de Martin Scorsese, donc au sens propre, les parents, qui sont les parents, d'où ils viennent, la relation qu'il a pu avoir avec eux, la manière qu'il a pu de les faire entrer dans ses films, donc dans ses fictions, et puis la famille un peu au sens plus large, que sont les fratries imaginaires, les frères d'armes, les frères de cœur, et donc tout l'environnement qui fait celui du héros scorsésien à peu près dans tous les films. On a un héros scorsésien qui est souvent profondément solitaire, peut-être, mais cerné par effectivement ces différents clans. Et toute l'histoire des films, c'est justement le rapport très dialectique qu'il entretient avec ses clans autour de lui. Et dès le début, alors peut-être Caroline Ducchi, vous qui êtes spécialiste des immigrations et de l'immigration italienne en particulier aux États-Unis, dès le début de cette salle, en tous les cas, il y a cette double appartenance. C'est une famille italo-américaine. Et évidemment, c'est ce qui parcourt les films de Scorsese. En tous les cas, la question de la famille, c'est une problématique saillante, quoi, éminemment présente. Oui, alors cette salle, elle est très intéressante parce qu'elle est, on l'entend sans doute en bruit de fond, à la fois très bruyante, pleine d'images et on y voit à la fois tous les objets de la famille, hein, ce qui était dans la salle à manger de la famille, et aussi tout ce qui participait de la rue de Little Italy, donc Little Italy, ce quartier du bas Manhattan, qui était un véritable kaléidoscope de culture populaire immigrée, qui se juxtaposait et qui en même temps était déjà en pleine transformation dans le creuset qui est la grande ville américaine, l'immense métropole de New York. Et là, ce qu'on retrouve à travers les extraits, notamment du documentaire Italian Americans de 1974 ou les extraits des Affranchis, c'est la volonté de Scorsese de restituer aussi tout l'univers sensoriel, sonore, visuel, qu'il tire des expériences et des représentations de son enfance, où il vivait très ancré dans son foyer, dans sa famille sicilienne, américaine, et où il vivait aussi dans la rue, sur la rue. Il y avait un passage permanent. En fait, les gens vivaient dans des logements surpeuplés à Little Italy, donc ils vivaient aussi en même temps dans la rue. Et c'est en rapport avec la culture collective et la culture de la place publique et de la rue qui est typique des cultures méditerranéennes, rurales, apportées de Sicile par ses grands-parents, par ses parents et par tous les gens du quartier. Ce qu'on voit aussi, qui est à la fois typiquement italo-américain et américain, c'est comment ce Little Italy à New York, enfin, ce Little Italy nous rappelle que New York était une immense métropole à l'époque, hein. Dans les années 1940, il y a 7,5 millions d'habitants à New York, mais c'est une ville qui vit par quartier. Chaque quartier a ses spécificités, ses populations particulières. Même avec... par groupe d'immeubles, hein, je crois, voilà. Puisque, alors, selon si on vient de quel coin de Sicile ou d'Italie. Voilà, par groupe d'immeubles aussi, puisqu'à l'Italie. Donc les Siciliens sont près d'Elizabeth Street, ce que nous rappelle Scorsese dans ses documentaires. Les gens de campagne sont à Mulberry Street, et puis les Italiens du Nord sont toujours dans le bas Manhattan, mais plus à l'ouest. Donc il y a une segmentation par région, par sensibilité, par solidarité. Et ces solidarités immigrées, qui sont très importantes, hein, dans une ville qui est immense, où ils débarquent en territoire inconnu, ont beaucoup marqué, comme nous le rappelait tout à l'heure Mathieu Orléans, ont beaucoup marqué les représentations de Scorsese, et on retrouve toujours cette importance des loyautés, des communautés. Alors des communautés héritées, celles de la famille, mais aussi les communautés électives, celle de la jeunesse qui se crée au coin de la rue. Little Italy, c'est aussi la sociabilité du coin de la rue. Ooh, ain't got no home, I know place to roam. Ain't got no home, I know place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Au milieu de cette famille italo-américaine, il y a le logement, vous l'avez dit, Caroline Ducchi. Il y a également la question du logement en relation avec la rue, et les héros scorsésiens, Mathieu Orléans, montent et descendent dans les appartements. On les voit rentrer dans des couloirs, on les voit descendre de ces couloirs et de ces escaliers pour rejoindre la rue, et la caméra les suit d'une certaine façon. Et cette respiration entre l'intérieur et l'extérieur de petits appartements très bondés, et quand on voit effectivement l'appartement décrit dans Italian American de ses parents, bien c'est un appartement surchargé de représentations bibliques, christique, de petits bibelots un peu partout, et de l'autre côté cette rue qui, pour le jeune Martin Scorsese, est sûrement un lieu de liberté mais aussi de danger. Oui, c'est vrai qu'on retrouve souvent cette dualité entre une intériorité assez étroite et un peu aliénante, une petite prison qu'on s'est choisie ou dans laquelle on voudrait partir, et une rue, effectivement, qui va être un appel de la liberté, mais parfois aussi de mauvaises rencontres. Donc la rue est forcément un lieu très ambigu. Mais on retrouve souvent cette dichotomie entre l'intériorité et l'extériorité, à la fois dans un film très, je dirais, peut-être plus autobiographique, et un de ses premiers, son premier long métrage, Who's That Knocking at My Door, où effectivement Harvey Keitel est prisonnier comme ça de cette communauté et essaye de s'en défaire. Mais on retrouve cette tension aussi bien dans La Valse des Pantins, qui est un film qui n'a rien à voir, qui ne parle absolument pas des communautés italiennes, mais le personnage de De Niro, ce jeune apprenti comique qui veut réussir à la télévision, vit dans un appartement extrêmement étroit où il a construit sa folie, où il a construit son délire de devenir une star. Et on entend souvent la voix de sa mère qui parle, on ne la voit jamais. L'appartement est petit, mais on ne voit jamais sa mère, qui est d'ailleurs interprétée par la mère de Scorsese elle-même, la voix. Et donc, c'est la rue qui lui appartient. La rue est la possibilité d'un changement, d'une métamorphose, de rencontre. Et donc ça, on le sent très très bien. Et Scorsese met cette caméra à hauteur d'homme. Comme vous le dites, il suit les personnages. Les personnages sont avec la caméra. On marche dans la rue. On voit souvent un New York vu d'en bas, plutôt que vu d'en haut avec cette sorte de skyline spectaculaire. C'est absolument pas ça qui intéresse Scorsese. On le voit parfois par accident, parce que dans leur errance, les personnages ont parfois un point de vue, même parfois un peu mélancolique, sur la ville. Mais la caméra, la plupart du temps, de Mean Street à Taxi Driver, est vraiment à hauteur d'homme, dans des quartiers qu'on a peu vus, des friches, des quartiers abandonnés, des quartiers dangereux. Et on sent la complexité, l'hétérogénéité de cet espace urbain. Séverine Yatta. Alors, cette problématique donc, alors, du quartier, de la maison, c'est toujours aussi cette problématique de la famille. Et juste après donc, cette section famille italo-américaine, il y a cette problématique de la fratrie chez Scorsese, qui est extrêmement importante. Donc c'est la famille éloignée, c'est les liens fraternels très forts, mais qui généralement se cassent, se brisent pour des questions d'avidité, du pouvoir, de l'argent, du sexe, d'où l'importance de cette thématique de la fratrie que vous avez voulu aussi développer, Mathieu Orléans, puis peut-être après Caroline Dukhy sur cette C'est vrai que ça paraissait tout à fait naturel dans le prolongement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le prolongement de la famille. La fratrie est vraiment la continuité. La fratrie, en quelque sorte, est aussi une famille qu'on s'est choisie, ou une famille parfois imposée par la proximité urbaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va totalement dans le prolongement. Mais ça permettait de faire le focus sur les relations entre un héros et un frère d'armes, un autre homme. Il y a souvent Masculin, hein, très masculin, voilà, évidemment, exactement. Chez Scorsese. Souvent, chez Scorsese, il y a au centre du film un tandem masculin. Et ce tandem masculin est souvent, effectivement, le générateur de fiction, le générateur de récit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, effectivement, dans ses premiers films, le frère qui apparaît, qui surgit. Martin Scorsese avait réellement un frère, Frank. Là, effectivement, on voit dans des films comme Raging Bull ou Casino l'apparition d'un vrai frère, d'un tandem fraternel qui va ensuite se décliner sous forme effectivement du comparse, du collègue, de l'ami, jusqu'à Shutter Island, qui est un film très différent, très lointain, qui lui va développer plutôt le thème du double. Qu'on pouvait déjà un peu pressentir dans des films bibliques comme La Dernière Tentation du Christ. Entre Judas et Jésus, hein, quand même. Exactement. Et qui va encore plus loin dans un film comme Shutter Island, qui a une dimension, tout d'un coup, ce qui est aussi une des tendances du cinéma de Scorsese, qui n'est pas qu'un cinéma réaliste ou post-néo-réaliste américain, mais qui est aussi un cinéaste onirique, hallucinatoire, et qui s'intéresse effectivement à la psyché névrotique de ces personnages. Et Shutter Island va très très loin dans effectivement le double. On a le personnage de Leonardo DiCaprio, schizophrène, donc il y a le premier double qui est l'homme à double identité, et puis qui va rencontrer ce collègue, cet inspecteur de police qui est aussi le médecin, et qui va être aussi une autre sorte de double. Et donc ça, c'est effectivement, je pense, un des aboutissements de ce que peut être une fratrie au sens le plus métaphorique possible. Alors ces fratries, Caroline Dukhy, elles se retrouvent parfois dans des endroits qui sont très importants pour Martin Scorsese dans son cinéma, et en particulier autour de tables. On les voit manger. Et c'est une des particularités. D'ailleurs, ici, dans l'exposition en ouverture, on a la table des parents Scorsese, autour de laquelle s'étaient réunis Scorsese et ses parents pour parler justement de ses racines italiennes et siciliennes. Et cette table joue un rôle essentiel. On mange ensemble, on discute ensemble, on s'engueule autour de la table, mais la table est centrale, pourrait-on dire, Caroline Dukhy. Ça, c'est une caractéristique de ces communautés émigrées aux États-Unis, et en particulier ces communautés siciliennes ou italiennes du Sud. Alors, d'une manière générale, la question de qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, est centrale dans tous les milieux populaires et dans les milieux immigrés, qui souvent ont immigré pour trouver de quoi manger. Après, ça fait partie de la sociabilité familiale très importante des milieux ruraux, donc siciliens, d'où est originaire la famille de Scorsese. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, à la fois dans son documentaire Italian-American et dans un certain nombre de ses films, c'est que la question de la nourriture et de la nourriture italienne l'a beaucoup marqué. Pour lui, c'est un marqueur de la solidarité familiale. C'est un marqueur aussi de tout ce que peut avoir, tout ce que peut constituer de refuge la solidarité familiale et le giron maternel, ce qu'on voit dans la scène des affranchis qui est diffusée dans la première salle. Et puis aussi la nourriture, c'est utilisé par Scorsese, adulte et cinéaste, comme un fil narratif et un fil dramatique très très important, puisque toute la fin des affranchis, qui raconte la surveillance, la capture et la chute du mafieux, est en fait organisée autour du récit et de la fabrication de la sauce tomate, où chaque étape de la filature correspond à une étape de préparation de la sauce qui se déroule donc sur plusieurs heures, comme la filature du héros. Mathieu Orléans, avec Séverine Attard et avec Caroline Doucy, dans cette exposition Scorsese de la question new-yorkaise, mais vous avez voulu installer un plan de Lower East Side, South Manhattan, les endroits qui sont décrits par Scorsese, et en particulier Little Italy, pour bien faire comprendre combien c'était un cinéaste de New York. Ce qui est étrange, c'est qu'on apprend, en lisant le catalogue ou en lisant des interviews, qu'il n'a pas tourné tous ses films à New York, et par exemple que New York, New York, qui reste emblématique théoriquement de la ville de New York, a été tourné à Los Angeles. Donc il a joué sur, disons, des situations de reconstitution de studio pour la ville qu'il ne trouvait plus d'une certaine façon, parce qu'aussi ce New York qu'il a aimé quand il était jeune enfant, ce New York a profondément été bouleversé. Il raconte souvent combien parfois, quand il débarque avec une caméra dans une partie de Little Italy, l'embourgeoisement, la gentrification du New York a tellement changé son quartier qu'au bout du compte, il se sent même un intrus dans son propre quartier. Oui, alors il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Je dirais quand même que d'abord, malgré tout, Scorsese est un cinéaste obsédé par la ville de New York au point de la filmer dans quasiment tous ses films. Donc c'est vrai que c'est quand même, je pense, la chose dominante qu'il faudrait retenir, d'où la map, la grande carte qu'on a mise en trois dimensions très artisanales, que les gens peuvent contempler, presque toucher, parce qu'elle a une dimension comme ça tactile. C'est vrai que c'est quand même le cinéaste de New York. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a certains quartiers de prédilection, au début très contraint dans les quartiers qu'il connaît, les quartiers familiers de Little Italy, et que petit à petit, il va monter dans certains quartiers, qu'il va découvrir Hell's Kitchen, Upper East Side, mais que finalement, ça se résume à certaines parties de Manhattan, et qu'on n'est pas dans un cinéaste qui a comme ça embrassé toute la ville. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il se restreint à certaines zones qui sont des zones qu'il connaît, et donc la fiction et sa propre vie sont comme ça très très liées. Et Mathieu Orléans, d'ailleurs, je crois que c'est un de ses professeurs qui lui avait dit, quand il a commencé à tourner, tourne dans un endroit que tu connais très bien, et là tu feras quelque chose d'intéressant. Voilà. Très juste, et quelque chose que tu connais, qui n'a pas été beaucoup filmé. C'est ça qui était intéressant, c'est que ces quartiers de New York étaient très peu filmés, et donc il faut attendre un film comme Le Loup de Wall Street, qui est son dernier film sorti en salle, pour que pour la première fois, il aille filmé dans le New Jersey, des grandes maisons, de nouveaux riches américains qui ont gagné beaucoup d'argent avec la finance, qui est donc le personnage central du film, mais c'est quelque chose dans lequel il s'est très peu aventuré. Donc c'est vrai que c'est pour moi un grand cinéaste de New York, je l'ai dit, à hauteur d'homme, à hauteur de la ville, vu d'en bas, avec une fascination pour des zones, pour des lieux qui ont été très peu filmés. filmés auparavant, mais c'est vrai aussi que pour certains besoins de narration, parce qu'à un moment donné dans sa carrière, il s'est aussi intéressé à filmer les origines de la ville, à essayer de comprendre ce qu'avait été la ville après la guerre, donc dans les années 50, mais aussi à remonter le temps au 19e siècle, dans Gangs of New York, dans le temps de l'innocence. Et il est vrai que pour des films comme ceux-là, il a fallu prendre le parti d'aller dans des endroits qui sont évidemment des studios ou des villes qui avaient été mieux conservées que New York, qui n'avaient pas cette hétérogénéité, cette mixité, pour aller retrouver quelque chose de plus ancien. Donc ça, c'est vrai que c'est les tours de passe-passe de magie du cinéma. Et donc effectivement, pour Gangs of New York, il va à Cinecittà à Rome. Pour New York, il va dans les studios à Los Angeles. Pour Le Temps de l'Innocence, il va dans une petite ville près de New York qui s'appelle Troy, dont le centre-ville a été très préservé et ressemble un peu plus à ce qu'il imaginait du New York à moitié vide, avec quelques maisons patriciennes très riches au milieu de nulle part. Donc tout ça, il va effectivement le chercher ailleurs, mais c'est toujours intéressant parce que c'est toujours en relation malgré tout avec la ville de New York, dont il essaie d'interroger les origines, dont il essaie d'interroger les transformations, et c'est souvent des villes qui sont traversées des mêmes problématiques que le New York contemporain, c'est-à-dire c'est des villes où l'immigration est importante, les clans, les familles, on voit les Irlandais et les Anglais dans Gangs of New York, dans Le Temps de l'Innocence, tout le récit est centré autour d'une femme qui a vécu en Europe, donc aussi la question d'un exil peut-être à l'envers, parce que c'est une Américaine qui a été en Europe et qui du coup était un peu banni de la société très conformiste du 19e siècle. En tout cas, on va retrouver un New York qui certes a changé, mais qui est toujours très morcelé, fragmenté, et où les conflits entre communautés sont toujours présents. Caroline Dooky, à la fois sur cette volonté d'être le cinéaste du New York des années 70, beaucoup, mais aussi de remonter progressivement dans le temps, comme le disait Mathieu Orléans, et de se faire d'une certaine façon l'historien cinématographique par le cinéma de la ville de New York. Tout ça, c'est très intéressant pour un historien parce que, en fait, on se rend compte que Scorsese lui-même est historien. Et il est historien à la façon même des sciences sociales, puisque tout ce qu'il nous donne à voir de New York, il nous le donne à voir comme de New York ou des familles immigrées, il nous le donne toujours à voir d'une manière compréhensive, participative. Comme un ethnologue, il nous montre à la fois des visions panoramiques, des visions panoramiques de la ville, des visions panoramiques des trajectoires familiales sur une ou même deux générations. Et puis en même temps, il nous montre les objets, la culture matérielle, les rituels, etc. Donc c'est un cinéaste qui est aussi ethnologue et historien. Enfin, il ne s'agit pas de rabattre son œuvre là-dessus, puisque bien sûr, il fait tout cela en ayant ses propres dynamiques esthétiques et cinématographiques. Et c'est aussi cette question de l'individu, le héros scorsésien, dans la ville, avec justement ses codes, qu'il s'agisse des codes des gens de la rue, de la mafia, ou des codes, par exemple, dans Le Temps de l'Innocence, d'une certaine haute bourgeoisie dans cette ville. Enfin, c'est un peu l'individu pris dans cet ensemble qui est la ville. Oui, il s'est montré un entrelacs de solidarité, de contraintes. Il s'est mêlé le macro, le micro, la recherche de liberté par les individus. Donc il est il fait des sciences sociales et en même temps il introduit une méditation sur la condition humaine, la solitude, la déréliction, la destinée. Et vous disiez, Mathieu Orléans, que ce cinéaste, qui est Scorsese, à un moment ou à un autre, réfléchit aux mêmes questions, mais dans des périodes différentes. Et cette question, effectivement, du temps de l'innocence, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que les États-Unis, ou encore de Gangs of New York, où il y a les natives qui veulent empêcher la prédominance de ceux qui arrivent, en l'occurrence, eh bien, c'est toute la question des vagues migratoires qui se sont succédées sur le sol américain, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a effectivement, mais comme souvent chez des grands cinéastes, des récurrences, des obsessions, des fils rouges qui font que thématiquement, esthétiquement, des éléments se retrouvent de film en film, pris dans des mises en scène parfois relativement différentes. On n'est pas, il y a quand même des transformations aussi. C'est chez Scorsese, ça qui est assez beau. After Hours, qui est un film fait avec très peu d'argent dans New York la nuit. En Soho, en particulier. Voilà, ne ressemble pas tellement stylistiquement à un film comme Le Temps de l'Innocence, dont l'enjeu narratif, de montage, de recréation, etc., est totalement différent. Donc les films en soi ne se ressemblent pas toujours, n'ont pas la même facture, n'ont pas la même, la même forme, la même couleur, mais effectivement, c'est intéressant de noter ces fils rouges. rouges qui sont là et qui, même dans des films comme Kundun, par exemple, sur le Dalai Lama, où là, on est encore aux antipodes, là, on a quitté New York depuis longtemps, on fait un film sur un autre territoire, et on sait à quel point les territoires sont importants chez Scorsese, mais territoire, voilà, un autre territoire qui n'a rien à voir avec celui des États-Unis. Malgré tout, on va retrouver ce thème de l'exil. Et ce motif de l'exilé, même si là c'est un exilé illustre dont il s'agit, et pas d'un héros créé de toutes pièces, un anonyme new-yorkais surgit comme ça de l'imaginaire de Scorsese, là on s'attaque à une histoire avec un grand H, malgré tout c'est ce thème de l'exilé qui va se retrouver dans un film comme Kundun, et c'est tout à fait passionnant de voir la cohérence d'une œuvre dans des situations et dans des époques aussi différentes. Alors, on a beaucoup parlé avec vous deux, Caroline Dooky et Mathieu Orléans, de cette matrice à la fois new-yorkaise et familiale, italo-américaine et sicilo-américaine de Martin Scorsese. Et évidemment, de cette matrice, il reste aussi des idées, il reste un univers mental. Et dans cet univers mental, évidemment, la question de la religion est très importante. Vous avez décidé, Mathieu Orléans, de faire une section consacrée aux crucifixions dans les œuvres de Martin Scorsese. On s'y rend. Cette section est une section effectivement surprenante, pourrait-on dire, parce qu'on a beau avoir vu les films de Scorsese, on n'a pas forcément repéré tout ce que vous avez repéré dans cette exposition autour de cette scène centrale, visiblement, de l'œuvre de Scorsese, qui est la scène de la crucifixion, des héros attachés à leur lit et les bras en croix, évidemment, en train de faire l'amour ou pas, des personnages pris dans les cordes, comme Raging Bull, Robert De Niro dans Raging Bull, pris dans les cordes, et là aussi les bras en croix, et bien d'autres scènes, évidemment, la dernière tentation du Christ étant centrale dans cette vision-là, Mathieu Orléans. C'est vrai que l'intérêt d'une expo, c'est de pouvoir montrer et mettre en valeur des motifs qui sont parfois des motifs secrets ou des motifs que le spectateur ne verrait pas dans un film, dans le flux continu du film, dans l'hypnose du film. Tout d'un coup, l'exposition, c'est une manière aussi d'expliciter, il y a le côté un petit peu didactique, pédagogique, mais aussi de montrer esthétiquement la récurrence de certains motifs. Et c'est vrai que la crucifixion est un motif particulièrement récurrent dans ces films, et ça m'intéressait vraiment de choisir ce mot de crucifixion comme thème d'une partie, à la fois parce que c'est un motif en soi, vous avez dit, précis, qui revient dans différentes situations, situations de vengeance, de rédemption sexuelle, d'hommage effectivement, ou de rapport au phénomène religieux directement. J'y reviendrai après, parce qu'on sait peut-être que Scorsese avait voulu, avant d'être cinéaste, devenir prêtre, qu'il avait dû abandonner ses études au séminaire, il le dit lui-même, parce qu'il était amoureux, je crois, parce que finalement peut-être quelque chose d'autre, de plus fort, l'avait submergé et l'excité dans la rue et qu'il voulait s'en échapper. Mais en tout cas, il a étudié donc la religion chrétienne, et il s'est intéressé au texte biblique qu'on va retrouver effectivement dans la dernière tentation. Et ce qui m'intéressait dans le terme de crucifixion, c'est qu'on a là l'alliance de deux motifs particulièrement intéressant. Et outre la récurrence vraiment formelle de la crucifixion, le terme même de crucifixion allie quelque chose à la fois de l'ordre du spirituel, mais aussi de l'ordre de la violence, de l'ordre du charnel, et donc c'était un mot qui m'intéressait. On aurait pu appeler cette partie effectivement spiritualité, parce qu'il y a aussi quelque chose de la spiritualité chez Scorsese, mais ça m'intéressait plus de focaliser sur la crucifixion même, parce que dans la crucifixion on a l'alliance à la fois de quelque chose, d'une rédemption, d'une spiritualité, d'un au-delà vers lequel va le personnage, mais aussi de quelque chose de très tangible, de très physique, de très charnel, de très douloureux, qui est la crucifixion. Et on sait que Scorsese n'hésite pas à montrer des choses très douloureuses, très sanglantes, très difficiles pour ses héros, pour le spectateur, et donc qui sont effectivement un questionnement aussi sur ce que le spectateur peut voir au cinéma, ne peut pas voir, ne peut pas supporter, peut supporter. Enfin, il y a toute une réflexion évidemment de Scorsese là-dessus. Et donc la crucifixion m'intéressait parce qu'elle est à la jonction de tout ça. Elle n'est pas que de la spiritualité. Il n'y a pas que la dernière tentation du Christ. Il y a aussi quelque chose de la violence sur le corps humain, qui à mon avis est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans d'autres de ses films. Ça pose dans tous les cas la question de la religion, évidemment, dans ces familles d'immigrés italo-américains, Caroline Ducchi. C'est-à-dire, bon, alors il a eu une éducation catholique, on le sait, mais dans quelle mesure, à la fois, c'est une culture qui est encore proche, et dans quelle mesure, lui, il s'en extrait, il va au-delà de ça, dans quelle mesure tout héros scorsésien n'est pas un peu christique, l'homme qui va vers son destin et qui se pose la question de la spiritualité et peut-être de la solitude. Enfin, voilà, c'est... cette problématique voilà, de religion catholique ou non chez ces immigrés italiens. Alors, Martin Scorsese a eu une éducation catholique importante, dense, dans son milieu familial, avec les formes de spiritualité, surtout les formes de piété catholique, méditerranéenne, rurale, très ostentatoire, très visuelle, très colorée, très incarnée, très collective aussi, très ostentatoire avec les processions dans la rue, le jour du saint patron du village d'origine, etc. On sait qu'il est allé aussi au collège catholique et qu'il a suivi donc au milieu des années 50 un séminaire de préparation à la prêtrise qu'il a abandonné parce que quand il en parle, on sent qu'il n'avait pas véritablement de vocation. D'ailleurs, il a une boutade, il dit « à Little Italy, finalement, il y a deux moyens d'ascension sociale, il y a deux carrières possibles, celle de gangster ou celle de prêtre. » Donc on voit que pour lui, il y a quand même une certaine distance au catholicisme. Il dit « je suis catholique ». Il dit même « je suis un incurable catholique romain non pratiquant ». Voilà, non pratiquant et travaillé quand même par la culpabilité. Et donc, il y a une récurrence des thématiques, des images de la souffrance chrétienne, de la fragilité humaine, lues au miroir du message chrétien. Pour autant, moi, je pense qu'on ne peut pas rabattre toutes ces réflexions et ces méditations spirituelles chrétiennes dans le cinéma de Scorsese et sur le catholicisme, parce que finalement, les films qui sont le plus travaillés par cela, La dernière tentation du Christ, Raging Bull, Taxi Driver notamment, sont les films où le scénariste ou co-scénariste était Paul Schrader qui n'est pas catholique, a été élevé par des parents calvinistes très rigoristes qui lui ont interdit d'aller voir des films au cinéma jusqu'à l'âge de 18 ans. Et on voit qu'une partie de ces thématiques sont en fait aussi issues du puritanisme américain qui transparaît, qui transite dans beaucoup de films hollywoodiens auxquels Scorsese s'est familiarisé lorsqu'il était enfant et lorsqu'il était jeune. Et puis si on reste par exemple sur Taxi Driver en 1976, donc le scénario c'est celui de Paul Schrader, Taxi Driver c'est le thème de l'ange purificateur et ça renvoie en fait à toute la thématique de la croisade morale qu'avaient lancé les élites new-yorkaises à la fin du 19e siècle, puisque pour eux, la question urbaine, ils ne la lisaient pas comme une question sociale, mais comme une question morale. Pour eux, la ville était corruptrice, tentatrice. C'était une nouvelle Babylone, c'était une ville corrompue, c'était un cloaque, et la seule solution qu'ils y voyaient, ce n'était presque pas l'action sociale, mais une action de purification morale en luttant contre les vices, la prostitution, l'alcoolisme, etc. Mathieu Orléans. Non, je voulais juste rajouter aussi dans les influences très importantes qu'il a pu avoir, outre le calvinisme de Schrader, il y a aussi, il l'a dit lui-même quand il est revenu à Paris, l'importance d'amis grecs qu'il a eu ou d'amis de pères spirituels grecs qu'il a eu, et donc ce rapport aussi qu'il a eu à l'orthodoxie qui est encore autre chose, qui est encore différent. Il disait qu'il y a eu Kazantzakis qui est l'auteur grec du livre La dernière tentation du Christ, donc qui apporte sa propre vision, je dirais très subjective, une lecture particulière et qui est la lecture qu'il a adaptée pour ce film autour de la vie du Christ. Elia Kazan, qui a été un des cinéastes fondateurs, pour Scorsese, non seulement formellement, esthétiquement, mais aussi parce qu'il y a vu, quand il a découvert America, une sorte de vision fantasmée de ce qu'a pu être l'exil de sa propre famille. Donc un cinéaste dont il est devenu ami, avec lequel il a d'ailleurs co-réalisé un film, Letter to Elia, donc une figure importante qu'on retrouve un petit peu dans l'expo de manière discrète. Et puis John Cassavetes, il y a une photo de Cassavetes avec Scorsese à la fin, qui est aussi de culture grecque. Ça ne veut pas dire que la culture grecque imprègne non plus directement. Il n'y a pas de lien, je crois, direct entre la culture dont on vient et les films qu'on produit. Mais malgré tout, il y a eu ces trois figures grecques et ce rapport à l'orthodoxie qui aussi a été très important pour lui et qui montre la multiplicité des références à l'œuvre chez Scorsese. Et sans compter aussi la présence dans le même quartier que celui de naissance d'immigrés d'origine juive, en particulier d'Europe centrale, et que cette culture juive est présente pas simplement par le personnage de Ace Rothstein dans Casino, mais dans beaucoup d'autres films. Effectivement, il y a là des gens qui se croisent et qui sont pour certains de culture juive et d'autres de culture catholique. Ce qui est quand même très net tout de même dans cette œuvre, c'est, et là on peut peut-être le raccrocher à la question du christianisme, c'est ce trio gloire, chute et rédemption qui est assez présent dans beaucoup de ces films et qui là est assez proche effectivement de la question chrétienne assez rigoriste dans laquelle il a peut-être été élevé, en l'occurrence Mathieu Orléans. Oui, oui, c'est vrai. Après, tous les films n'obéissent pas à ce schéma aussi strict. Il n'y a pas toujours de rédemption, d'ailleurs, chez Scorsese. Il y a parfois des chutes sans fin. On retrouve beaucoup ce motif, d'ailleurs, de la chute qui vient, elle, peut-être d'un Alfred Hitchcock, de Vertigo. Mais il y a effectivement quelque chose qui n'obéit pas forcément, heureusement, à une règle éthique aussi évidente. Strict. Alors on va se tourner vers la dernière section que nous allons visiter dans cette exposition Scorsese, donc à la Cinémathèque française à Paris. Et cette section, c'est justement, vous venez de citer le nom de Hitchcock, c'est l'hommage et la façon dont Scorsese s'envisage lui aussi comme un historien, un patrimonialiste, pourrait-on dire, du cinéma et de l'histoire du cinéma. De cette exposition Scorsese, effectivement, qui est consacrée finalement au Scorsese cinéphile. Alors, à travers plusieurs problématiques, hein, qu'il s'agisse des liens qu'il a avec d'autres cinéastes, Hitchcock, mais avant tout peut-être le cinéma italien, le cinéma américain, les liens qu'il va aussi créer entre cinéastes, avec ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, hein, le groupe Spielberg, Coppola, Scorsese, et puis George Lucas, entre autres. Et donc, c'est une sorte aussi de famille. Est-ce qu'on peut parler, Mathieu Orléans, de famille de cinéma? On revient toujours sur cette problématique avec Scorsese. Alors oui, mais c'est une famille, enfin il y aurait plusieurs familles, je dirais. Je pense pas que Scorsese appartienne à une seule famille stricto sensu. Il y a d'abord la famille des pères spirituels qui est très importante pour lui, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de liens avec des cinéastes qui étaient d'une génération plus ancienne que lui et desquels il se revendiquait. J'ai parlé d'Elia Kazan tout à l'heure, qu'il a rencontré, avec lequel il a fait ce film Letter to Elia. Il y a eu des gens comme Michael Powell qui a été invité aussi sur nombreux de ses films, cinéaste anglais qui était quelqu'un qui l'avait beaucoup passionné avec sa petite société de production The Archers, et dont il aimait le style, les couleurs, dont il aimait les problématiques, l'humour. Aldrich. Enfin, il y a beaucoup de gens donc qui continuent à être fréquentés. Et ça, c'est particulier peut-être à Scorsese, parce que non seulement il les fréquentait, mais il en faisait des films, il travaillait avec certains de leurs collaborateurs. Et puis effectivement, il les mobilisait sur des causes, comme en 1980, au moment où il se rend compte que les films de ces gens faits, les premiers films en couleur par exemple, se détériorent. Il a envie de les sauver, il a envie de les aider. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir des liens de fraternels avec des cinéastes d'une génération plus âgée. Donc ça, ça c'est un peu ça contredit un peu l'image qu'on a du nouvel Hollywood qui serait des jeunes rebelles qui font table rase du passé, qui sont arrivés, qui ont voulu transformer le cinéma de papa, qui ont voulu lutter contre les grands producteurs avec les studios. En fait, c'est vrai que Scorsese c'est une figure plus ambiguë. Il y a évidemment un énorme renouveau stylistique, il y a évidemment quelque chose d'extrêmement singulier, mais il n'y a pas de table rase du passé, et il y a au contraire une manière de valoriser les liens avec ces familles qui s'est choisi de cinéastes plus âgés. Alors, c'est d'ailleurs la vertu de cette exposition que de nous présenter ces courriers qu'il échange avec tout un tas de cinéastes, Robert Bresson à l'entrée de cette salle, Jean-Luc Godard, ou alors ici effectivement tous ces courriers qu'il reçoit après avoir lancé une sorte de pétition, de demande à Kodak. Il s'est aperçu que les pellicules Kodak commençaient à jaunir, à ternir et à changer de couleur, et donc il a demandé à tout un tas de cinéastes de par le monde de se mobiliser pour pouvoir obliger Kodak à changer sa formule de film pour que les films soient préservés. Alors ça c'est très étrange parce qu'on y voit à la fois Nagisa Oshima, on a évidemment face à moi, je suis très ému parce que je vois un courrier avec Frank Capra, box 98 à La Quinta, California, donc qui écrit donc à Scorsese, mais aussi c'est très étonnant, un courrier à la main de Leni Riefenstahl, Liza Minnelli, Michael Powell, vous l'avez cité. Donc tous ces cinéastes qu'il vénère, qu'il admire, qui sont ses proches ou plus éloignés, et qu'il va rassembler, comme d'ailleurs il va tenter de rassembler l'histoire du cinéma autour de lui, Mathieu Orléans. Bah, c'est vrai que cette pétition en 1980, c'est un peu la première pierre à l'édifice de ce que sera ensuite la Film Foundation, qui va vraiment être un organisme dont le but sera stricto sensu de sauvegarder le patrimoine cinématographique en danger, et qui va trouver un prolongement dans la World Cinema Foundation, qui lui va s'intéresser plutôt au cinéma du monde entier, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, Amérique latine, qui est encore plus en danger que le cinéma occidental, américain, européen. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes comme ça. Ça c'est la première étape en 80, cette pétition pour que Kodak effectivement agisse pour sauver les films en couleur qui sont en train de perdre leur matière. Il dit c'est comme un tableau qui tout d'un coup devient gris, c'est l'essence même de l'œuvre qui disparaît. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la cinéphilie de Scorsese qui n'est jamais uniquement égotiste et centré sur son propre travail, même si ça fait partie de sa logique. Il raconte, tous les collaborateurs racontent que quand il fait un film, il fait des projections des films qu'il aime pour que les gens soient inspirés d'une sorte de terreau commun, d'images communes, de cinéastes qui seraient un peu les saints patrons des nouveaux films qu'il va réaliser. Donc c'est une cinéphilie personnelle, une cinéphilie de travail, mais c'est aussi une cinéphilie militante, une cinéphilie politique qui va l'amener de 80 et en 90 à créer effectivement des organes qui vont pouvoir vraiment concrètement transformer, sauver le cinéma. Donc c'est vrai qu'il a cette dimension, on l'a dit tout à l'heure, d'historien, mais il a aussi une dimension active, pas simplement de l'historien dans un sens analytique ou effectivement de subtilité de recréation, mais il va aussi être quelqu'un qui va être presque une cinémathèque à lui tout seul. Et d'ailleurs, si on lui rend hommage, c'est aussi, on rend hommage aussi là à un frère, la cinémathèque française rend hommage à un frère, à quelqu'un qui, avec ses institutions qu'il a créées de toutes pièces, est un sauveur du cinéma d'aujourd'hui, un collectionneur. Parce que c'est un boulémique, hein, Scorsese. On parle même de cinéphage plutôt que de cinéphilie au début. C'est-à-dire qu'il connaît les scènes par cœur, il y a des films qu'il a vus 10, 15 fois, et depuis son enfance, en fait. Hein, il le raconte lui-même, tous ces films qu'il a vus à la télévision. Exactement, oui, enfant, il se souvient des choses par cœur. On retrouve d'ailleurs dans ses scénarios des citations directes de films. Ben, en Kazan, on en parlait tout à l'heure, dans Raging Bull, il y a des citations directes de films de Kazan. Donc il y a ce jeu comme ça avec des scènes qui reviennent, des clins d'œil, mais plus que des clins d'œil, quelque chose qui ont été extrêmement digérés, peut-être dont il a même un rapport inconscient, que ça soit effectivement des scènes d'Hitchcock aussi, de Kazan, de grands cinéastes américains, de cinéastes italiens, la liste serait très très longue. C'est quelqu'un qui effectivement est habité par le cinéma au point de sans cesse le travailler, de rendre des hommages directs, indirects à l'intérieur de ses films. Et avec une dimension aussi de collectionneur, comme le disait Séverine Attard, mais aussi de conservateur, on l'a dit pour l'affaire Kodak, mais de conservateur dans le sens où il crée des collections. Il s'intéresse, comme tout bon conservateur, il veut avoir tout des œuvres de ceux qu'il aime, aussi bien d'ailleurs en musique, quand il s'intéresse au blues, ou quand il s'intéresse à la musique américaine d'origine noire, ou alors pour le rock'n'roll, la même chose, pour le cinéma américain, pour son documentaire sur le voyage dans le cinéma américain. tout cela, c'est une volonté d'avoir une sorte d'extinction, pourrait-on dire, du style de la collection par une boulimie, comme le disait Séverine Yatard tout à l'heure, très importante. Oui, il est assez compulsif, il est exigeant, compulsif, exhaustif. Et ce qui est intéressant, vous parliez de la musique, c'est que la musique est aussi un peu l'autre pendant de la mémoire de Scorsese, parce qu'il raconte cette chose très étonnante qu'on a totalement oubliée aujourd'hui. C'est qu'à Little Italy, justement, les films étaient diffusés en salle. Il y avait beaucoup plus de cinéma qu'il y en a aujourd'hui, certainement à New York. Donc, ils voyaient beaucoup de films, mais les films n'étaient pas amenés à être toujours diffusés très longtemps. Et donc, il y avait la peur de la perte du souvenir des films. Et comme il y avait déjà cette manière très habitée qu'il avait de voir des films, peut-être avait-il l'intuition qu'il allait devenir cinéaste. La seule manière qu'il avait de se souvenir des films et de pouvoir retravailler les images et aussi les scénarios et aussi les mots qui avaient été prononcés, ça passait par la musique, par les bandes originales de films. Et donc, il achetait, et ça, je pense que c'était courant à cette époque, il achetait beaucoup de bandes originales de films qu'il réécoutait chez lui, et il disait que c'était le moyen qu'il avait de se souvenir des films. Aujourd'hui, on a les DVD, qu'on a tout, on ne se souvient pas de ça, mais la musique entraînait des images. Donc la musique était la porte d'entrée de la mémoire du cinéma qu'il venait de voir. Alors, parmi ces cinéastes à qui il rend hommage régulièrement, il y a Hitchcock. Il s'est d'ailleurs bien amusé avec une marque de mousseux espagnol, enfin catalan, Freixenet, donc en faisant une sorte de parodie de cet amour du cinéma qu'il peut avoir et des films non tournés de Hitchcock. Et vous avez consacré une partie de cette exposition, pour conclure, à cette figure de Hitchcock, Mathieu Orléans, puisqu'elle est présente très régulièrement et qu'il va même jusqu'à aller chercher des collaborateurs de Hitchcock, le musicien Bernard Herrmann, bien évidemment, ou alors Saul Bass, qui faisait certains des génériques des films de Hitchcock et les plus fameux, pour pouvoir les faire travailler avec lui dans ses propres films, comme une sorte d'héritage qu'il assumerait complètement de cet héritage hitchcockien. Ben, on a choisi effectivement Hitchcock, non seulement parce que c'est aussi un cinéaste très célèbre, donc c'est une porte d'entrée pour le visiteur qui est éminemment lisible et compréhensible. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était très fort et qui pouvait être compris, appréhendé par le visiteur. Et aussi parce que c'est peut-être le lien qui s'est le plus étoffé, qui est le plus incarné. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de cinéastes qu'il admire, dont on va retrouver des citations ou des choses qui sont peut-être plus difficiles à montrer dans une exposition parce qu'elles sont de l'ordre de la textualité, d'un thème, d'un motif, d'une manière de filmer, mais très subreptiste. C'est vrai qu'avec Hitchcock, on a quelque chose de plus massif, de plus étayé, parce qu'effectivement, comme vous dites, il a travaillé avec un certain nombre de collaborateurs d'Hitchcock, que ce soit Henry Bumstead, un chef décorateur, que ce soit Saul Bass pour les génériques, que ce soit même Bernard Herrmann, le musicien. La première fois que Scorsese commande une musique originale pour un film qui n'est pas une musique existante, c'est à Bernard Herrmann. Donc il se met là clairement dans une tradition hitchcockienne. On retrouve donc ce rapport à Hitchcock qui est très très présent et qui m'intéressait d'analyser, même si les films de Scorsese n'ont pas à voir dans leur mécanique ou dans le côté film à suspense, film noir, n'ont pas à voir du tout stylistiquement, narrativement avec les films d'Hitchcock, mais ils s'entourent de ses collaborateurs, et ça me semblait très important, jusqu'à le point culminant qui, à mon avis, est à citer, qu'on voit dans la salle juste en face, qui est la scène du combat de Raging Bull, dont il raconte que lui et sa monteuse Thelma Schoonmaker se sont clairement inspirés de la succession des plans de la scène de la douche de Psychose, et qu'il a voulu faire là un hommage à sa façon à Hitchcock. Parce que quand il monte avec sa monteuse, il a parfois un écran de télévision et il regarde en même temps des films qui diffusent, des classiques du cinéma qui l'inspirent dans son montage. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps, je pense que c'est dans des temporalités différentes, mais en tout cas ils en regardent, et c'est vrai que par contre la scène de la parfois il regarde des films simplement pour s'en inspirer, mais c'est vrai que la scène de douche et la scène de combat final de Raging Bull, là il y a un lien évident parce qu'il l'a raconté, que tout d'un coup le gant de boxe lui faisait penser au coup de couteau dans l'intérieur de la douche, etc. D'autres fois les liens sont plus diffus, sont plus ténus, c'est plus une inspiration peut-être stylistique. Là il y a vraiment, c'est pour ça qu'on l'a mis en valeur, entre ces deux scènes un rapport pas mimétique mais quasi. Caroline Dukhy, alors peut-être pour finir cette promenade dans l'exposition, on pourrait peut-être juste faire un petit essai d'ego histoire, parce qu'on vous a invité à venir à cette exposition, il y a des raisons, ça vous a inspiré, Scorsese, tous ces films de Scorsese, ça a inspiré votre itinéraire d'historienne aussi, spécialiste d'immigration italienne. Alors, ce n'est pas une inspiration séminale, mais quand les affranchis sont sortis en 1990, j'étais en train de commencer ma thèse sur l'histoire des migrations italiennes. Et c'est un film qui m'a vraiment beaucoup influencée, bien sûr par sa thématique, mais aussi par sa méthode, en fait. Parce qu'il a une méthode d'approche de son objet qui fournit aussi une bonne méthode d'approche de l'objet historique, au sens où dans Les Affranchis, on voit des visions panoramiques et puis des visions microscopiques. Il nous fait le portrait d'une ville à travers le portrait d'un quartier et puis à travers le portrait d'une trajectoire, la trajectoire d'un individu. Et en fait, tout l'art de la mise en scène, des changements de plan, c'est aussi l'art que doit apprivoiser l'historien du changement d'échelle. Du changement de focal. Et aussi, il y a une dernière chose qui est très intéressante pour un historien, c'est l'articulation entre la voix off au départ et pendant le film, qui donne les explications, qui donne les interprétations, qui donne les clés finales, et qui les donne d'ailleurs dès l'entrée du film. Et puis, donc, l'immersion participative et très descriptive du milieu italo-américain entre les années 1950 et les années 1980, avec une réflexion sur un monde qui disparaît, qui est en train de disparaître, de devenir le passé, mais une représentation de ce monde qui reste dynamique et sans aucune nostalgie. Et si je peux faire mon travail d'historienne sur le passé sans aucune nostalgie, je crois que j'aurais réussi quelque chose qui me tient à cœur. Merci beaucoup Caroline Doukhi de nous avoir accompagnés dans cette exposition Scorsese. Merci à vous Mathieu Orléans et à vous Cyril Niatin d'avoir organisé cette rencontre ici à la Cinémathèque française. Cette exposition dure jusqu'à quand Mathieu Orléans ? Jusqu'au 14 février. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son à la Cinémathèque française était assurée par Yann Fressy, la réalisation par Séverine Cassard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, nous continuons cette semaine consacrée au cinéma italien, à ses représentations et à ses rapports à l'histoire, en évoquant la figure de Pasolini.